Fils te plaît, dis-leur qu'ils me fichent la paix avec leur fiche de paix. La France un triste pays, je suis en mise de peine. Chante pour les jeunes pauvres qu'ont pas fait Sciences Po, pas les fashion qui dansent sur Sean Paul. Ça devient grave, mais je tiendrai debout sans Red Bull, ni Viagra, ni en finissant Red Bourré. Tous unis, ouais, vire de là. Tu simules, ça fait longtemps que l'amitié a les yeux verts dollars. Fuite, rime vite avec l'école. Ils veulent aller en tôle et faire un fuite avec l'école. Des sales gueules quand tu tires les stores, dur de store, de rire quand l'amour est en rupture de stock. Je vois le score, j'ai honte, c'est grave. Comme se laisser baiser ou se blesser avant les JO. Moi, j'ai eu faim durant toute ma vie, mais j'ai tenu en la ceinture. Là, j'attends la fin du round. J'ai beau rapper, gratter, j'te jure, sérieux. J'serais connu que si on tue, c'est sérieux. Ce que j'aime, c'est que j'aurais tout essayé. Vu que le rap et moi, on a du mal à s'aimer. Nak mène de ça. Un jour, vous verrez. J'veux mourir tranquille, mec. Un jour férié. Si j'perds ce que j'aime, c'est que j'aurais tout essayé. Vu que le rap et moi, on a du mal à s'aimer. J'reviendrai plus fort. Un jour, vous verrez. J'serais connu que si j'meurs. Un jour férié. La France ferme les yeux. Car elle a peur de voir, ta France a peur du noir. Te voile pas la face, ta France a peur du voile. En douceur, d'où sors-tu? On fout le désordre, désormais qu'à la force sort des ordures. Qu'est-ce que tu vas faire, merde? Putain, va te faire mettre, mec. J'attends pas la carte vermeille. N'essaie pas de toucher à mal et mots. Pas la peine de crier au secours, man. Super mal est mort. Je me marre, mais de façon chée, je suis pas le bienvenu, man. Je le sais depuis le 30 mars 76. Vieillir, mec, une gangrène à trans, putain. Là, je m'entraîne car cette pute de trentaine approche. Je te parlerai que tu, toi, rien que tu joues, moi. J'ai les thunes et toi, les règles du jeu. Leur texte, c'est de la connerie incarnée. Scarla, moi je préfère Carla, Bruni ou Corneille. Et je prie, l'esprit toujours guerrier. J'serai connu que si on tue, un jour férié. Ce que j'aime, c'est que j'aurais tout essayé. Vu que le rap et moi, on a du mal à s'aimer. Nak mène de ça. Un jour, vous verrez. J'veux mourir tranquille, mec. Un jour férié. Si j'perds ce que j'aime, c'est que j'aurais tout essayé. Vu que le rap et moi, on a du mal à s'aimer. J'reviendrai plus fort. Un jour, vous verrez. J'serai connu que si j'meurs. Un jour férié. On me dit que j'ai tort. De parler d'esclaves, mais encore, on a toujours des chaînes, sauf qu'elles sont en or, donc ça nous endort. Même le pape porte du bling bling man, les victimes cannent, et nous, on ricane devant le big deal man. Tous élevés au coude, battent et béquilles, y'a traite clo-clo, nous on regrette pas qu'il biguille. Yeah. À notre époque, mes potes sont tous propres du pops, dans les poches du hip-hop, dans les hip-hop. Yeah. Des thunes, un cigare, une Porsche Ingars, génération, tire les couettes à Laura Ingalls. T'entends la minuterie, ils ont peur des barbus, mais ils vénèrent le Père Noël et Jésus-Christ. Dès lors, non, y'a pas de coup de main, que des mains courantes, mec. Faut que demain tout rentre dans l'ordre. D'espèce humaine, ma mère. Les mecs jouent plus au football, mais au flashball. Et c'est les keufs qui mènent, ma mère. Ils nous ont dit, les petits, venez au dialogue. Mais tenez-vous tranquille comme Amadou Diallo. J'serais connu que si on me tue, un jour férié. Si j'perds ce que j'aime, c'est que j'aurais tout essayé. Vu que le rap et moi, on a du mal à s'aimer. Nak mène de ça. Un jour, vous verrez. J'veux mourir tranquille, mec. Un jour férié. Si j'perds ce que j'aime, c'est que j'aurais tout essayé. Vu que le rap et moi, on a du mal à s'aimer. J'reviendrai plus fort. Un jour, vous verrez. J'serai connu que si j'meurs. Un jour férié. Hey.